الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا لكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيقول أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبي إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تبارك وتعالى لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون الأوائل يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره Donc nous continuons l'étude du livre كشف الشبهات de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahmatullahi alayh. Il nous dit arsalahu Allah ila unasin yata'abbadun, c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers des gens qui accomplissaient des adorations, qui faisaient le pèlerinage, qui faisaient des sadaqat, qui évoquaient énormément Allah, mais il mettait certaines créatures telles des intermédiaires entre eux et Allah en disant nous voulons par cela nous rapprocher d'Allah et nous désirons leur intercession auprès d'Allah comme les anges, comme Isa, comme sa mère Maryam et d'autres personnes parmi les gens vertueux. عندنا بعض النسخ للكتاب. Donc on a quelques exemplaires du livre pour les frères qui veulent qui n'ont pas le livre mais à condition donc de donc il y a quatre à condition donc de s'engager à être présent au cours. Donc pour les frères qui n'ont pas le livre, il y a quatre exemplaires ici. اذا يقول المؤلف رحمه الله ارسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. من الأهمية بمكان أن يعرف المسلم الناس الذين أرسل إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يعينك في فهم رسالة الإسلام ويعينك في فهم دعوة النبي في فهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف كثير من ينتسب إلى الإسلام في هذا الزمان يجهل نقطة النزاع بين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين قومه. تسأله لماذا حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ويجيبك بأجوبة بعيدة عن الصواب. ولهذا المؤلف رحمه الله بدأ أو افتتح كتابه بشرح ما كان عليه هؤلاء المشركون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع القارئ المقارنة بين هؤلاء وبين مشركي زماننا الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو يقول أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون فهم كانت عندهم عبادات كانوا يحجون كان الناس من زمان إبراهيم عليه السلام يتوجهون إلى بيت الله الحرام فيحجون كل سنة ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني في الماضي كان الناس يفيضون من عرفة إلى مزدلفة فالله عز وجل أقر هذه الإفاضة فقال فهم أفيضوا من حيث أفاض الناس وجاء في الصحيح أنهم كانوا يعني يحجون وكانت عندهم تلبية كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هذه كانت تلبية المشركين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فغير هذه التلبية بالتلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إذن كانوا يحجون وكانوا يتصدقون كما قال المؤلف الكثير منهم كان يعتق الرقاب وكان يطعم الطعام فكانوا يتصدقون ويذكرون الله عند الشدة إذا أصابتهم شدة يذكرون الله تبارك وتعالى ويدعونه وحده لا شريك له فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وكانوا يصومون كانوا يصومون يوم عاشوراء فيوم عاشوراء كان يوما تصومه العرب في الجاهلية كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كذلك كانوا يعتكفون في المساجد ولهذا في الصحيح جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في أو ليلة أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك Donc l'auteur il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers un peuple donc, qui avait des adorations, qui faisait le pèlerinage, qui faisait des dons et qui évoquait énormément Allah. Donc comme on a pu voir, l'auteur au début du livre, il nous explique vers qui a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va nous expliquer également la croyance des gens vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc le fait de connaître cela, ça permet aux musulmans de connaître le message de l'islam. Beaucoup de musulmans, malheureusement, on leur demande quel était le point de discorde entre le prophète Mohammed sallam et son peuple, et beaucoup sont incapables de répondre. Des musulmans de naissance qui ont 50, 60 ans, ils sont incapables de nous dire pourquoi le prophète, ils vont nous dire parce qu'ils ils adoraient autre qu'Allah, ou bien il ne croyait pas en Allah. Donc ça, l'auteur, justement, au début, il essaye de corriger cela, de savoir quel était le point de dispute entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple. Donc il nous dit, ces gens-là, c'est des gens qui adoraient. Ils avaient des adorations. Donc ils faisaient le pèlerinage, ils faisaient des dons, des offrandes, et ils évoquaient Allah. En ce qui concerne le pèlerinage, donc depuis l'époque de Ibrahim alayhi sallam jusqu'à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même jusqu'à l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y avait le pèlerinage qui était organisé chaque année avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé et donc les gens de toute la péninsule arabique venaient pour accomplir le pèlerinage c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran lorsqu'il nous parle de la sortie des gens de Arafah vers Muzdalifah il nous dit ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ c'est-à-dire déferler par le même endroit dont déferlent les gens c'est-à-dire avant l'islam donc Allah tabaraka wa ta'ala a approuvé le fait que les gens donc passent de Arafa jusqu'à Muzdalifa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les associateurs, donc, ils faisaient même la telbiya, donc qui est la réponse du pèlerin à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que ils introduisaient dans la telbiya de l'association. Ils disaient labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. C'est-à-dire labbaik allahumma labbaik, donc nous venons à toi, ô Allah. Nous venons à toi, donc tu n'as pas d'associé sauf un associé. Tamlikuhu wa ma malak. Tu le possèdes et lui ne possède rien. Voilà leur telbiya qu'ils faisaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du pèlerinage d'adieu, donc a redonné à la telbiya le sens du tawhid, en disant labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, il nous dit, comme dans Sahih Muslim, dans le hadith très long où il nous explique le pèlerinage du prophète, il nous dit ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bit tawhid, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé une parole de tawhid lorsqu'il a dit la talbiya. Également, donc il faisait des dons. Vous trouverez souvent, ils affranchissaient des esclaves, ils nourrissaient les pauvres. Pendant le pèlerinage, certains s'occupaient d'abreuver les pèlerins. Donc, yatasaddaqoun. Wa yadhkuroun Allah. Ils évoquaient Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, lorsqu'ils étaient dans un moment difficile. Allah nous dit dans le Coran, fa'idha rakibu fil fulk yad'u Allah mukhlisina lad-din. Lorsqu'ils montent sur un bateau, ils invoquent Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement seuls, sans invoquer leur divinité. Car donc lorsqu'ils étaient dans des moments justement de difficulté, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala seul. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ensuite, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala les sauve vers la terre ferme, ils recommencent à associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ils jeûnaient. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le jour de Ashura, c'était un jour que les Arabes jeûnaient avant l'islam. Également, ils faisaient l'itikaf. Donc l'itikaf, c'est le fait de rester dans la mosquée, par adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, j'avais fait le vœu de faire l'itikaf une nuit avant l'islam. Donc est-ce que je dois faire cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, aoufi bin nadrik, c'est-à-dire respecte ton vœu, donc fais-le. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيه إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. Donc ces gens-là avaient des adorations, sauf qu'ils mettaient entre eux et Allah des intermédiaires, wasa'it, le pluriel de wasita, en disant nous voulons par cela nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous voulons leur intercession auprès de lui. Donc ils adoraient les anges, Isa, Maryam et d'autres personnes parmi les gens vertueux. إذن مشركو العرب كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى فمجرد جعل وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى يدعونهم ويستشفعون بهم هذه عبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة والتوحيد شرط لقبول العبادة فمن قام بعبادة ولكن أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره فإن عبادته تكون مردودة عليه كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه تركته وشركه. Donc, les associateurs de la Mecque donc, avaient des adorations. Sauf que leurs adorations étaient basées sur l'association. Lorsqu'ils invoquaient, ils invoquaient autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et leur but était d'invoquer ces divinités afin que ces divinités intercèdent auprès d'Allah. Donc, eux, ils se disaient que vu que ces divinités étaient à la base donc faites à l'effigie de personnes pieuses, leurs invocations sont plus exaucées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ils invoquaient un tel en lui disant donc intercède auprès d'Allah, ô un tel, demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il me donne telle ou telle chose. يقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Il nous dit que beaucoup d'entre eux croient en Allah, ils croient en Allah, mais ils commettent de l'association. Donc là, on commence à comprendre la croyance des associateurs. Beaucoup vont dire ils ne croyaient pas en Allah. Là, c'est faux. Vous ne croyez pas en Allah. Non, il est important de connaître quel était donc le problème entre le prophète Mohammed et son peuple. Ibn Abbas radiallahu anhuma يقول في تفسير هذه الآية يقول من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله قالوا الله وهم مشركون به. Donc Ibn Abbas, il nous explique le verset de Sourate Yusuf et il nous dit parmi leurs croyances, lorsqu'il leur est dit qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé les montagnes, ils diront Allah. Mais malgré cela, ils lui associent donc d'autres divinités. مر معنا في كتاب القواعد الأربع أن المصنف قال اعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Donc on avait vu dans un livre précédent qui s'appelle القواعد الأربع les quatre règles que l'auteur donc nous avait expliqué que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est une condition pour l'acceptation de l'adoration. Donc celui qui associe à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, son adoration sera rejetée. Premièrement, Allah est dit dans le hadith divin ana arna shuraka yani shirk, c'est-à-dire je suis au-dessus de tout associé. Celui qui accomplit un acte quelconque dans lequel il m'y associe quelque chose, je le laisserai lui et son association, rapporté par Muslim. Donc on avait vu que l'auteur il nous avait dit dans le livre Al-Qawaid al-Arba, sache que l'adoration ne s'appelle adoration que lorsqu'elle est accompagnée du tawhid, c'est-à-dire que l'adoration est faite pour Allah seul. Comme la prière ne s'appelle prière que lorsqu'elle est accompagnée de la purification. On ne peut pas dire que ta prière est valable si tu ne fais pas les ablutions. Et donc, il nous dit lorsque l'association rentre dans l'adoration, elle la souille comme souille al-hadath, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir les ablutions, pour la prière. إذن هؤلاء المشركون جعلوا بعض المخلوقات وسائط وشفعاء بينهم وبين الله. فصاروا مشركين بذلك الصنيع عندما جعلوا بينه وبين الله وسائط حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالشرك قال الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون في سورة يونس. فإذا في هذه الآية سمى الله تبارك وتعالى اتخاذ الشفعاء شركا، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في ختام الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc les associateurs de la Mecque mettaient entre eux et Allah des intermédiaires, des intercesseurs. Et en faisant cela, Allah tabaraka wa ta'ala a statué qu'ils étaient des associateurs. Allah dit dans surat Yunus, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur être utile. ويقولون, c'est-à-dire si on les questionne sur leur adoration, ils diront هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils diront voilà nos intercesseurs auprès d'Allah. Voilà nos intercesseurs auprès d'Allah. قُلْ, c'est-à-dire ô Muhammad, dis-leur أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. C'est-à-dire allez-vous informer Allah de choses qu'il ignore dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire si cela était utile d'invoquer ces gens-là, Allah vous l'aurait imposé. Ensuite, il nous dit Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire à Allah de ce qu'il lui associe. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a cité que le fait de prendre des intermédiaires, des intercesseurs était du shirk. C'est pour ça qu'à la fin du verset, il nous dit Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. C'est-à-dire gloire à Allah de ce qu'il lui associe. فهؤلاء كانوا يأتون أصنامهم ووسائطهم ويدعونهم من دون الله. مثلا يقولون يا عيسى أدع الله لي، يا عيسى أدع الله لي، أو أحد الصالحين. وكانوا يأتون إلى أصنامهم ويذبحون لها حتى تشفع لهم عند الله. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Donc ils avaient des statuettes, ils adoraient, on va voir, les anges, ils adoraient les, comme on avait vu fil qawaid al-arba, certains adoraient des pierres, d'autres adoraient des arbres, d'autres adoraient les anges, donc adoraient les prophètes, en invoquant par exemple, en disant « Ô Isa, ô Maryam, invoque Allah pour moi » ou bien « Intercède pour moi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Parfois, ils sacrifiaient donc des bêtes auprès de leurs idoles en espérant que leurs idoles intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من مجموع الفتاوى يقول من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله وهو من شرك الذي أنكره الله على النصارى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله il nous dit celui qui donc atteste qu'il y a des intermédiaires entre Allah et entre ses créatures comme les intermédiaires qu'il y a entre les rois et leur peuple. Donc souvent les peuples ont du mal à donc atteindre leur roi, leur dirigeant. Donc lorsqu'ils veulent passer un message à ces gens-là, ils passent par des intermédiaires. Donc il dit celui qui pense, qui fait une analogie entre cette situation et Allah subhanahu wa ta'ala, fahu mushrik, c'est un polythéiste. Il nous dit cela est la religion des associateurs, Ubadi al-Authan, ceux qui adorent donc les idoles. Et il disait ce ne sont que les statuettes des prophètes et des gens pieux, et que cela est un moyen nous rapprochant d'Allah. Et il nous dit celui qui fait cela, c'est la même association qu'Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé aux chrétiens. ثم يقول فبعث الله محمدا يجدد لهم دين أبي إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé pour revivifier la religion de leur père Ibrahim alayhi salam, en les informant que cette croyance et ces adorations sont le pur droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et on ne peut le donner à quelqu'un d'autre, que ce soit un ange rapproché d'Allah ou bien un prophète envoyé par Allah et d'autres à plus forte raison. إذن التوحيد هو دين الأنبياء ودين الأنبياء وهو دين أبينا إبراهيم عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن أول من غير دين إبراهيم عمر بن لحي الخزاعي وسافر في جزيرة العرب سافر إلى الشام فرأى الناس يعبدون الأصنام وكانت العرب يعني تسافر إلى الشام للتجارة فاستجلب هذه الأصنام وأدخلها جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أول من غير دين إبراهيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار فكان وأول من سيبَ السوائب. Donc la religion al-tawhid, c'est la religion de tous les prophètes. Et souvent Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il nous parle de tawhid, nous parle de Ibrahim. Lam yaku min al-mushrikin. Et donc dans la péninsule arabique, la religion était la religion de Ibrahim alayhi salam. Et la première personne qui a changer cette religion, c'est un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuzai. Donc c'était un homme qui voyageait. Donc comme le faisaient les Arabes, il voyageait vers le Yémen, il voyageait vers Sham pour le commerce. Donc il a voyagé vers Sham. Et il a vu que les gens là-bas donc adoraient des statuettes. Donc il les rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il a décidé de faire venir ces adorations fi jazirat al-Arab. Depuis ce jour-là, donc, la religion a changé donc, dans la péninsule arabique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « J'ai vu Amr ibn Luhay al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. » Le qasb wa l'am'a. Il a dit « J'ai vu Amr ibn Luhay en train de traîner ses boyaux en enfer. » Wa awwalu man sayyaba As-sawa'ib. C'est le premier qui a amené donc les idoles vers la péninsule arabique. Donc il a donc changé la religion de Ibrahim alayhi salam. Wa illa fa ha'ula'i al-mushrikun al-awa'il yashhaduna an Allah huwa al-khaliq wahdahu la sharika lahu wa annahu la yarzuqu illa hu wa la yuhyi illa hu wa la yumitu illa hu wa la yudabbiru al-amra illa hu وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. Donc il nous dit que les premiers associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignaient que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le seul créateur, c'est lui le seul qui donne la subsistance aux gens, c'est lui le seul qui donne la vie, c'est lui le seul qui donne la mort. Et c'est lui le seul qui contrôle toute chose. Donc voilà la croyance des associateurs de la Mecque vers qui a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ceux qui nous disent que les associateurs ne croyaient pas en Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Là. Donc ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement, ils mettaient entre eux et Allah des intermédiaires. إذن كانوا مقرين بما يسمى بتوحيد الربوبية. ذكرنا في الدرس الماضي أن التوحيد إذا استقرأنا نصوص القرآن المتعلقة بالتوحيد نجد أن هذه النصوص ثلاثة أقسام. إما أن تتحدث هذه النصوص عن توحيد الله تبارك وتعالى في أفعاله، فهذا هو التوحيد الربوبية، وإما أن تتحدث عن توحيد الله تبارك وتعالى في أفعال المكلفين، بأن يطالب المكلف بأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هذا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. والقسم الثالث هو النصوص التي تتحدث عن توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، أن تثبت لله تبارك وتعالى الأسماء وحده لا شريك له، بأن تكون له أسماء حسنى وصفات علا، وأن الله تبارك وتعالى لا يشابه المخلوقات. فهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. إذن إذا كان المشركون مقرين بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لجميع الأمور، إذن هم مقرون بتوحيد الربوبية، ومقرون بتوحيد الربوبية، فإنهم يوحدون الله تبارك وتعالى في أفعاله، يوحدون الله تبارك وتعالى في أفعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك حاربهم وأباح دماءهم وأموالهم، معنى ذلك أن الإيمان بتوحيد الربوبية لا يكفي لدخول الإنسان في الإسلام. من جاء فقال أنا أؤمن أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، هذا لا يكفي، هذا نقول كان مشركو العرب يؤمنون بذلك. الإسلام هو أن تؤمن بهذا وأن تلتزم بصرف العبادات كلها لله تبارك وتعالى وحده. فإن كنت تؤمن أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت ثم تدعو غير الله تبارك وتعالى فأنت لست بمسلم، فأنت لست بمسلم. Donc on avait expliqué dans le cours dernier que les textes parlant de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala sont de trois sortes. Donc nous avons des textes qui incitent donc à unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans ses actes. Par exemple, la création, le fait de donner la mort, le fait de donner la vie, le fait de donner, le fait donc de contrôler toutes choses. C'est ce que l'on appelle tawhid ar-rububiyya, ce qu'ils traduisent par la seigneurie. Donc c'est lorsque tu attestes que Allah seul fait ces choses là c'est lui seul qui crée, c'est lui seul qui donne la vie, c'est lui seul qui donne la mort, c'est lui seul qui donne. Ensuite nous avons tawhid al-uluhiyya, c'est lorsque on nous incite d'unifier Allah dans nos actes à nous, donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, de prier pour lui seul, de jeûner pour lui seul, de faire le pèlerinage pour lui seul, de l'invoquer seul, de sacrifier pour lui seul. C'est ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-ibada. Donc c'est tawhid de l'adoration. La troisième sorte, c'est le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Donc d'attester ou bien de donner à Allah tabaraka wa ta'ala les noms et les attributs qu'il s'est donné à lui-même ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sans bien sûr faire ressembler Allah tabaraka wa ta'ala à ses créatures. Donc les associateurs de la Mecque donc croyait qu'Allah c'est lui le créateur, c'est lui qui donne, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait mourir. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et a attesté qu'ils n'étaient pas musulmans et qu'ils étaient des associateurs. On peut comprendre de cela que le fait de croire seulement à Tawhid al-Rububiyya ne suffit pas pour devenir musulman, et que le vrai point de divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, c'est la deuxième catégorie, tawhid al-uluhiyya, que la personne qui prétend croire en Allah, que c'est lui qui crée, c'est lui qui donne, c'est lui qui fait mourir, qui donne la vie, mais que à côté la personne invoque autre qu'Allah, la personne n'est pas musulmane. Pourquoi? Parce qu'elle fait la même chose que ce que faisaient les premiers associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qu'il a combattu donc pendant de si nombreuses années. ثم يقول المؤلف رحمه الله والدليل على أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا يعني بما سبق ذكره فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات. Donc il nous dit ensuite, il va citer la preuve de ce qu'il avance. Donc que les associateurs de la Mecque, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ils donc croyaient en la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il dit, si tu veux la preuve que ces gens-là qu'a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam attestaient donc de ce qu'on vient de citer, que Allah c'est lui le créateur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui contrôle toutes choses, lis le verset de sourate Yunus où Allah il nous dit قل, c'est-à-dire dis au Mohammed من يرزقكم من السماء والأرض, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارِ, et qui possède l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui contrôle toutes choses. فَسَيَقُولُونَ, ils diront. يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ, c'est-à-dire les associateurs, ils te répondront فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, ils diront c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui fait toutes ces choses là فَقُولْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, c'est-à-dire dit alors pourquoi ne le craignez-vous pas, c'est-à-dire et que vous lui associez ceux qu'il déteste. Et lisez également le verset de surat al-mu'minun où Allah tabaraka wa ta'ala dit قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, dit à qui appartient la terre et ce qu'il y a en elle si vous savez. Ils diront, cela appartient à Allah. فَقُولْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, c'est-à-dire, ne vous rappelez-vous pas. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, dis-leur alors qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône. فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, ils diront, c'est Allah. Dis-leur alors, أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, pourquoi le craignez-vous donc pas, pourquoi ne le craignez-vous donc pas. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ, qui détient entre sa main le royaume de toutes choses. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, et c'est lui qui protège et il n'a pas besoin d'être protégé. Si vous savez. سَيَقُولُونَ اللَّهِ, ils diront c'est Allah tabaraka wa ta'ala. قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ, c'est-à-dire comment pouvez-vous être ensorcelé, c'est-à-dire en adorant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وغير ذلك من الآيات, et les autres versets. إذن المؤلف رحمه الله ذكر آيات صريحة في كون المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم يعترفون بربوبية الله تبارك وتعالى. وتجدون أن القرآن الكريم كثيرا ما يأتي بهذا الأسلوب, يأتي بما هو مقرر عند المشركين يعني توحيد الربوبية. فالله تبارك وتعالى يدعوهم إلى توحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية. الله تبارك وتعالى يذكر لهم ما هو مقرر عندهم، يعني أن الله هو الخالق والرازق والمحيي المميت، ثم بهذا يدعوهم إلى توحيد الألوهية، توحيد العبادة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc l'auteur a cité donc des versets très clairs prouvant que les associateurs donc croyaient à ce tawhid, tawhid al-rububiyya. Et malgré cela, le prophète sallam les a combattus et a même rendu licite leur âme. Et également, dans le Coran, vous trouverez souvent que Allah tabaraka wa ta'ala donc interpelle les polythéistes en les appelant à tawhid al-uluhiyya, en leur rappelant ce à quoi ils croient. C'est-à-dire, Allah tabaraka wa ta'ala leur rappelle: vous croyez que Allah c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous donne votre subsistance, c'est lui qui vous fera mourir, c'est lui qui vous a donné la vie, et malgré cela vous lui associez autre chose. Non, adorez Allah tabaraka wa ta'ala seul. Allah dit dans le Coran: ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les gens, adorez Allah qui vous a créé et a créé ceux avant vous, la'allakum tattaqun, afin que donc vous deveniez pieux. Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan, celui qui a fait pour vous de la terre un berceau. Was-sama'a bina'an, et du ciel telle une fondation. Wa anzala min as-sama'i ma'an, et a fait descendre du ciel de l'eau par laquelle il fait jaillir donc des végétations pour vous. Donc tout ça ils le savaient, les associateurs. Ensuite il nous dit: fala taj'alou lillahi andadan wa antum ta'lamun. Pourquoi donnez-vous à Allah des associés alors que vous-même vous savez que lui seul fait toutes ces choses-là. فهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. وهذا لا يعني أن توحيد الربوبية ليس له وزن وقيمة في ديننا. لا، توحيد الربوبية مهم عند المسلم، أن يعرف أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق، وعليه أن يقوي هذا الجانب، لأن من المسلمين من عنده ضعف في توحيد الربوبية، فينتج من ذلك ضعف في توحيد الألوهية. على سبيل المثال التوكل، وأن يعتمد الإنسان على الله تبارك وتعالى وحده، عبادة، يجب على الإنسان أن يعتمد على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولكن التوكل الصحيح يحتاج إلى تحقيق توحيد الربوبية، فإذا ضعف توحيد الربوبية عند الإنسان ضعف توحيد الألوهية. ولهذا نجد أن بعض الناس يعتمدون على غير الله تبارك وتعالى ويتكل عليهم بالكلية وينسى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله في كتاب له، في رسالة له، يقول: أما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه، كما قال تعالى: في من أقر بمسألة من ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه والتوكل من أعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين، وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية، كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وأما عبادته سبحانه وتعالى بالإخلاص دائما في الشدة والرخاء فلا يعرفونها وهي نتيجة الإلهية وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل وغير ذلك. وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية، وهذا وأمثاله لا يعرف أو لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارة. Donc lorsqu'on dit que les associateurs donc croyaient à Tawhid al-Rububiyya, cela ne veut pas dire que cela n'est pas important. Car parfois, le musulman donc, a une faiblesse dans Tawhid al-Uluhiyya à cause de la faiblesse dans Tawhid al-Rububiyya. Donc il faut que le musulman, malgré qu'il soit musulman, il n'oublie pas Tawhid al-Rububiyya, le fait de toujours se souvenir que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui crée, c'est lui qui possède toutes choses, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Car si on a une faiblesse dans cela, ou bien que l'on oublie, à ce moment-là, on se dirigera parfois vers autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, at-tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans les projets que l'on fait. Si on oublie que Allah tabaraka wa ta'ala maîtrise toute chose ou possède toute chose, on aura tendance à nous diriger vers les créatures, alors qu'il faut se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Donc on va se baser sur les causes qui peuvent nous être utiles, sans oublier que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui décide de tout et c'est lui qui a créé ces causes. C'est pour ça que l'auteur rahimahullah, il nous dit, donc on va pas tout retraduire, il nous dit que tawhid ar-rububiyya, c'est la base. Tawhid ar-rububiyya, c'est la base. Et que toute personne qui fait une erreur dans Tawhid al-Ilahiyya, c'est forcément car il n'a pas donné à Tawhid al-Rububiyya ce qu'il méritait comme droit. Donc c'est pour ça que le musulman ne doit pas délaisser cette approche. Donc, et ensuite il cite par exemple التوكل كما vient de le citer. ثم يقول فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. Donc il nous dit, lorsque tu as pris conscience de cela que les associateurs de la Mecque donc croyaient et attestaient cela, c'est-à-dire que Allah c'est lui qui les a créés, c'est lui qui leur donne la vie, leur donne la mort, et que cela ne les a pas fait entrer dans le tawhid auquel appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu comprends donc que le tawhid qu'ils ont nié est tawhid al-ibadah, c'est-à-dire le tawhid de l'adoration. Ce que les associateurs de notre époque, c'est-à-dire à son époque, rahimahullah, l'époque de l'auteur, il y a environ 2 siècles, ce que les associateurs de notre époque appellent al-i'tiqad. Donc ils appelaient cela al-i'tiqad. Tawhid al-uluhiyya, ils appelaient cela al-i'tiqad. Kama kanu yad'un Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara. Donc, إذن المؤلف رحمه الله يبين لنا الذي حكم عليهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشركي زمانه أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد الإلهية فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالكفر وبالشرك وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم. ويقول المؤلف رحمه الله وتوحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. المؤلف رحمه الله يخاطب أناسا في زمانه كان يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره، وهذا الشرك كانوا يسمونه الاعتقاد، وأحيانا يسمونه توسلا، ويسمونه أحيانا نداء، وأحيانا التجاء أو جاها. فهم كانوا يعطون لهذه المسائل أسماء متعددة. والمؤلف رحمه الله دائما يخاطب هؤلاء بالمصطلحات التي اصطلحوها، يعني حتى يفهم كلامه، حتى يفهم كلامه. ولهذا سيأتي في الكتاب فيما بعد المؤلف سيأتي ويقول: وإنما يعني بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. مثلا في الكتب الأوائل وفي القرآن وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يسمي معبودات المشركين آلهة، آلهة، كل ما يعبد فهو إله. وهو يقول ونعني أو يعني بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، بلفظ السيد. وفي كتاب التوحيد يقول رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذه الألفاظ الشرعية التي تجدونها في النصوص. يقول: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى هي التي تسمى العزائم، كان في زمانه يسمون الرقى العزائم. فهو يخاطبهم بمصطلحاتهم حتى يفهموا كلامه. Donc l'auteur nous dit, donc une fois de plus il insiste pour qu'on comprenne la croyance des polythéistes de la Mecque. Donc pour connaître le point de divergence entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son peuple. Donc il croyait que Allah c'est lui le créateur, c'est lui qui donne, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, c'est lui qui contrôle toutes choses. Et cela ne les a pas fait entrer dans le tawhid auquel appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il a statué qu'ils étaient polythéistes, associateurs, et les a combattus. Et donc on comprend que le tawhid qu'ils ont nié, c'est tawhid al-ibada. Allah dit dans le Coran, dans surat Sa'd, donc lorsque ils ont été appelés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Donc ils ont compris ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur disait: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Il leur disait: dites لا إله إلا الله, vous obtiendrez donc la victoire. Et eux, ils ont compris ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit: أجعل الآلهة إلها واحدة. Veut-il rendre toutes les divinités une seule et même divinité? إن هذا لشيء عجيب. Donc cela est une chose très étonnante. L'auteur il nous dit également donc ce qu'ils ont nié, c'est tawhid al-uluhiyya. Il nous dit ensuite tawhid al-uluhiyya, donc le fait de consacrer l'adoration à Allah seul. Il nous dit c'est ce que les associateurs de notre époque appellent al-i'tiqad. Donc toutes les adorations, ils appellent cela al-i'tiqad. Donc l'auteur rahimahullah, souvent dans ses livres, il cite les termes qui sont cités dans les textes donc du Coran et de la Sunna, et parfois il cite des mots utilisés par les gens à son époque. Car si il se contentait d'utiliser les termes cités dans le Coran et dans la Sunna, beaucoup de gens ne feraient pas le rapprochement avec ce qu'ils font. C'est pour ça qu'il dit الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. Donc eux, ils appellent cela l'i'tiqad. Donc ils vont comprendre de quoi ils parlent. Donc parfois ils appellent cela l'i'tiqad, parfois ils appellent ça tawassul, parfois nida, parfois altija, parfois jah. Donc l'auteur souvent il fait cela dans ses livres. C'est pour ça que plus tard dans le livre il va nous dire wa inna ma ya'ni bil ilahi ma ya'ni al mushrikun fi zamanina bil lafdhi sayyid. C'est-à-dire à un moment il va parler de divinité. Donc dans les textes du Coran et de la Sunna, vous entendez parler de Al-Ilah, vous entendrez parler de Al-Aliha, la divinité ou bien les divinités. Mais avec le temps, ces mots-là ne sont plus compris comme ils devraient l'être. Et donc il nous dit, c'est ceux que les gens appellent à notre époque As-Sayyid. Les gens, ils appellent Sayyid, donc celui vers lequel on se dirige pour invoquer en dehors d'Allah. Également, dans le Kitab Tawhid, il nous dit Bab ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Il nous dit chapitre sur ar-ruqa. Ar-ruqa, c'est. Ruqya, comment traduit ça Ruqya? Comment traduit Ruqya? Tout le monde sait c'est quoi Ruqya? Taïb. Chapitre sur la Ruqya ou l'Azaïm ou al-Tama'im. Comment? L'exorcisme. Babu Maja'a fi ar-Ruqa wa at-Tama'im. Donc, chapitre sur l'exorcisme et al-Tama'im, c'est-à-dire les talismans. Et ensuite, il nous dit wal-Ruqa. Il nous dit, Ar-Ruqa, c'est ce que les gens ils appellent à notre époque, Al-Azaim. Donc il fait cela afin que les gens donc, fassent le rapport entre ce dont il veut parler et les erreurs des gens. Tawhid al-Ibada, yusamma bitawhid al-Uluhiyya, wa bitawhid al-Iradati, wa al-Qasdi wa al-Talab. Donc l'auteur il a parlé de tawhid l'ibada. Donc on peut appeler cela tawhid l'ibada ou bien tawhid l'uluhiyya ou bien tawhid l'ilahiyya ou bien tawhid l'qasdi wa talab wa l'irada wa tawhid l'ikhlas. Donc tous ces mots là veulent dire la même chose, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Thumma yaqul كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. Donc il nous dit ensuite, donc ils invoquaient Allah تبارك وتعالى jour et nuit, mais parmi eux il y en avait qui invoquaient les anges, car les anges sont bons et sont proches d'Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah. Ou bien certains d'entre eux invoquaient un homme pieux comme Al-Lat, ce qui est cité dans surat Al-Najm, afara'aytum Al-Lat wa Al-Uzza, ou nabiyan mithla Isa, d'autres invoquaient donc un prophète comme Isa alayhi salam. فهم يدعون غير الله تبارك وتعالى فيطلبون من هذه المخلوقات فكما قلنا سابقا مثلا يقولون يا ملائكة اشفعوا لي عند الله يا ملائكة ادعوا الله أن يرزقني ولدا يا عيسى ادعوا الله أن يشفيني أو غير ذلك. فهم يدعون الملائكة لأنها قريبة من الله تبارك وتعالى. فهم يدعون الملائكة لسببين. السبب الأول لأجل صلاحهم وقربهم من الله تبارك وتعالى. والسبب الثاني لأجل الشفاعة عند الله عز وجل. فهم يعبدون الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. Donc la preuve qu'ils adoraient les anges, Allah nous dit dans sourate Saba ويوم يحشرهم جميعا, le jour où Allah تبارك وتعالى réunira tous les hommes, toutes les créatures. فيقول للملائكة, et il dira aux anges, أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, est-ce que c'est eux qui vous adoraient, en parlant d'un groupe de personnes. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم, les anges diront سبحانك أنت ولينا من دونهم, ils diront gloire à toi Allah, tu es notre maître, donc en dehors de ces gens-là. بل كانوا يعبدون الجن. En réalité, ils n'adoraient que les démons. بل أكثرهم بهم مشركون. Beaucoup d'entre eux donc associent à Allah les démons. المعبود الثاني يقول أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. Certains d'entre eux adoraient donc des hommes pieux comme اللات أو نبيا مثل عيسى. اللات كان صنما للطائف لأهل الطائف. واللات عندنا قراءتان فهذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قرئت بتخفيف التاء أفرأيتم اللات والعزى وهذه قراءة الجمهور جمهور القراء قرأوا كذا الأئمة القراء السبعة قرأوا بهذا وعندنا من قرأ أفرأيتم اللات والعزى بتشديد التاء والمد قرأ بهذا رويس عن يعقوب وهذا هي القراء من قراءات الثلاثة الزائدة على السبعة أفرأيتم اللات والعزى قرأ بذلك رويس رويس عن يعقوب وهي قراءة متواترة ويختلف المعنى فلو أخذنا بتشديد التاء نرجع إلى قراءة إلى تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية يقول أن اللات كان رجلا يلت السويق للحاج السويق هو خلط بين الشعير والماء كان هذا الرجل يعني يفت الشعير في الماء هو عمل صالح كان يفعل ذلك للحجاج ثم يطعمهم كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره لما مات عكفوا على قبره رواه البخاري وكان هذا الصنم لآل طائف لثقيف ولو أخذنا بقراءة المنتشرة قراءة الجمهور أفرأيتم اللات والعزى يقول الأعمش رحمه الله سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان كانوا يسمون آلهتهم بأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى أو نبيا مثل عيسى المؤلف رحمه الله لم يريد الاستيعاب أن يذكر كل ما كان يعبد في زمنه يعني ذكر ذلك تمثيلا فقط donc l'auteur il nous dit ensuite que certains adoraient des hommes pieux comme اللات donc Allah تبارك وتعالى nous dit dans sourate النجم أفرأيتم اللات والعزى donc ce verset est récité de deux manières nous avons avec اللات avec تاء sans شدّة donc c'est la lecture connue donc le قراء السبع les sept lecteurs lisent de cette manière que ce soit عاصم ou bien نافع ou bien ابن كثير ou bien حمزة et les sept lecteurs ils lisent de cette manière et ensuite nous avons trois autres qui sont يعقوب خلف et أبو جعفر donc ça c'est les trois qui font les dix lectures. Donc on a les sept, ensuite on a trois, Abu Ja'far, Ya'qub et Khalef. Et ces trois-là, ils ont des élèves. L'élève à Ya'qub, il s'appelle Rouais. Rouais, il a récité « Afara'aytumu latta wal'uzza » avec « shadda » du « ta » et « l'met ». La différence entre les deux lectures, ça change le sens. Surtout sur l'origine du mot « lat ». Donc si on prend la lecture de Rouais, un Ya'qub, on revient à l'explication de Abdallah ibn Abbas. Il nous dit que « lat » était un homme pieux. « Wa kana yaluttu »« Yaluttu sawiqa lil hajj » Sawiq, c'est un mélange entre de l'orge et de l'eau. Donc il mélangeait de l'orge et de l'eau et il donnait ça à manger aux pèlerins. Donc c'était un acte pieux, le fait de nourrir les pèlerins pendant le pèlerinage. Donc anayalutu, c'est-à-dire qu'il écrasait l'orge dans l'eau. Donc il faisait une bouillie de tout cela. Donc c'était un acte pieux. Kanayalutu sawiq al-hajj falamma mata akafu ala qabri. Lorsqu'il est mort, les gens se sont réunis autour de sa tombe. Autour de sa tombe, comme cela est cité dans le Bukhari. Et si on prend la lecture donc des autres lecteurs, Afara'aytum al-Lata wal-Uzza, on revient alors à l'explication de l'Amash. L'Amash, il nous dit que les associateurs donnaient des noms à leur divinité tirés de noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont appelé al-Lat du nom d'Allah al-Ilah. Ils ont appelé al-Uzza du nom d'Allah al-Aziz. Ils ont donné al-Manat du nom d'Allah al-Mannan. Donc l'auteur rahimahullah, il nous dit ensuite que certains adoraient donc des prophètes comme Isa alayhi salam. Donc l'auteur ici n'a pas voulu citer toutes les choses qui étaient adorées à l'époque du prophète sallallahu alayhi salam. Il a cité que quelques exemples. Sinon dans d'autres livres, il a cité d'autres exemples. Kanu ya'budun al-ahjar ou al-ashjar et autre chose. Donc il a fallu citer que quelques exemples. ثم يقول وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Donc tu sais ensuite que le prophète صلى الله عليه وسلم a combattu ces gens-là pour l'association, cette association. Et il les a appelés à être sincères dans leur adoration envers Allah seul. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, c'est-à-dire n'invoque personne avec Allah. Et il dit ensuite, لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ, c'est lui qui possède l'invocation véritable. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ, et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne peuvent en rien leur répondre. إذن الكفار جحدوا توحيد الألوهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الجحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين حتى يكون الدين كله لله كما قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تبارك وتعالى. متفق عليه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a combattu ces gens qui ont refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu afin que l'adoration soit exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, c'est-à-dire combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, c'est-à-dire shirk, ici dans ce verset, et que وَيَكُونَ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, et que la religion soit exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam nous dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed et son prophète, ils accomplissent la prière, donnent la zakat. S'ils font cela, à ce moment-là, ils auront préservé de moi leur sang et leur richesse. Illa bihaqqil islam, sauf dans des cas où l'islam autorise cela. Wa hisabuhum ala Allah, et leur jugement sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par al-Bukhari et al-Muslim. ونكتفي بهذا القدر ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.